La Connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Aujourd'hui dans La Connexion. Joie, les virus informatiques célèbrent leur 25e anniversaire. Bonheur, la toile dépasse le milliard d'internautes. Youpi, Apple remanie encore une fois la gamme iPod. Et on est rendu là, des parents nomment leur enfant Yahoo. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante en ce lundi 10 septembre, rediffusion 13 septembre. On est là pour deux heures, on va vous parler de choses intéressantes, de choses qui vous importent. On va parler dans quelques minutes de jeux vidéo, entre autres de Peter Moore chez Electronic Arts Sports, de Ubisoft qui est intéressé à acheter Eidos et d'un départ chez Sony. Mais avant, voici comment ça va Mark Hamilton de Johnny 5 à La Connexion à C'est Fou 89.fr. Johnny 5 avec Comment ça va Mark Hamilton à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89.1 FM. Il va être en spectacle le jeudi 13 septembre sur le campus de l'UQTR pour la semaine de la rentrée. Je les ai eus en entrevue au Palmarès C'est Fou. Si vous voulez entendre à nouveau, tiens, la reprise, c'est le mercredi 12 à midi, le jeudi 13 à 13h ici même à C'est Fou 89.1 FM. Vous l'avez deviné, c'est l'heure du fil jeux vidéo. Parlons donc des choses qui ont marqué le monde vidéoludique cette semaine. On commence par EA Sports. À peine est-il devenu le président de EA Sports que Peter Moore voit grand, très grand même pour sa nouvelle compagnie, dit l'article de Argamers.com. En effet, non seulement a-t-il dévoilé un nouveau jeu questionnaire pour les fans de sport, mais Moore pense aussi à entrer en compétition avec Nike et ESPN. Au cours d'une entrevue avec le New York Times, Moore a déclaré qu'il y a une belle opportunité afin de prendre la marque EA Sports dans le but de l'amener à compétitionner non seulement des firmes de jeux vidéo telles que Take-Two Interactive et Konami, mais aussi Nike et ESPN. Selon Moore, ceci serait dans le but d'approcher et d'éventuellement conquérir le cœur des jeunes hommes âgés entre 14 et 34 ans à travers le monde en touchant à des domaines connexes aux jeux vidéo. Moore a spécifié qu'il n'a pas joint les rangs de EA Sports pour s'asseoir sur ses lauriers et vendre plus de copies de Madden, mais bien pour amener la firme vers de nouveaux sommets. Déjà, des projets sont en branle afin que EA puisse diffuser des sports, bâtir des camps de sports et mettre en vente des produits reliés à la marque EA Sports. Par ailleurs, EA Sports lancera cet automne un tout nouveau jeu questionnaire en ligne nommé EA Sports Game Show. Gratuit, ce jeu permettra à des fans de sport à travers le monde de s'affronter seuls ou en équipe en répondant à des questions de divers sports. Si le projet s'avère être un succès, il pourrait éventuellement être porté sur PlayStation 3 et sur Xbox 360. Moore espère que Game Show sera le projet pilote d'une plus grande présence de EA dans le monde du jeu en ligne. Voilà pour Electronic Arts. On passe à Ubisoft. Cette semaine, SCI Entertainment, la nouvelle date du 5 septembre. SCI Entertainment, qui possède notamment Eidos Interactive, a publié un communiqué annonçant qu'un acheteur potentiel s'était pointé et que des négociations avaient été entreprises. Bien qu'aucune proposition ferme n'a été soumise, des discussions préliminaires ont eu lieu. L'identité de l'acheteur n'a pas été dévoilée. Et bien, plus tard, pendant la semaine, c'était le 6, le quotidien britannique The Guardian a affirmé que c'est Ubisoft qui serait intéressé à acheter SCI et donc Eidos. Le journal rappelle qu'en 2005, les deux compagnies avaient discuté d'une possible acquisition, mais rien n'avait été s'était concrétisé. The Guardian va plus loin en spéculant que l'arrivée de Ubisoft dans le dossier pourrait pousser Time Warner, Electronic Arts et même Sony à entrer dans la danse et à faire des offres. Donc, aussitôt que la nouvelle sera mise à jour pendant la semaine qui suit, on vous tiendra au courant ici à La Connexion. Cette semaine, toujours le 5 septembre, Dave Carricker a annoncé son départ de chez Sony Computer Entertainment. Il occupait l'important poste de directeur senior aux communications. Il a été au cœur du lancement de la PlayStation 3, du dévoilement de Home et de la récente baisse de prix de la PS3. Carricker affirme avoir énormément apprécié son séjour chez SCEA et il croit que la compagnie a un excellent futur. Il va continuer de côtoyer l'industrie, cette fois en tant que joueur plutôt que porte-parole. Dave Carricker devient leader des communications chez Sky Spirits, une compagnie spécialisée dans les boissons, la vodka. Donc, c'est chez Sony, Computer Entertainment of America. Voilà. Toujours au sujet de Sony, voilà que la nouvelle itération de la PSP, qui est nommée Slim and Light, est disponible présentement. Elle est sortie après avoir donné quelques coups de tatane, dit l'article de jeuxvideo.com, et autres pains dans la tronche. Nous avons fini par mettre la main dessus, dit l'article, en attendant de pouvoir vérifier les quelques annonces, meilleure autonomie, loading amoindri, qui accompagne ce nouveau modèle. Voici en tout cas une première vidéo qui vous offre un tour d'horizon de son nouveau design et récapitule ses fonctionnalités. Donc allez voir le vidéo de jeuxvideo.com sur la article qui s'appelle la PSP Slim and Light en vidéo. C'est sur le www.unechance.com, le site de l'émission au unechance.com. Il n'y a pas que Ubisoft qui se met à faire des cadeaux, on en parlait la semaine dernière. Electronic Arts a aussi envie de gâter les joueurs et offre pour sa part Command & Conquer, premier du nom, mais ici, pas question de publicité, il s'agit simplement de célébrer le 12e anniversaire de la série. Vous pouvez télécharger le fichier ISO, c'est-à-dire un fichier gravable sur CD ou DVD. Ça se récupère sur l'article. Command & Conquer gratuit aussi sur le unechance.com. Les instructions d'installation sont dans l'article aussi, si ça vous intéresse, le premier Command & Conquer gratuitement. Le premier film basé sur la franchise Street Fighter fut, à l'instar de nombreux autres films basés sur les jeux vidéo, une énorme déception, dit l'article de Argamers.com. Le second film tiré de la série de Capcom sera-t-il meilleur que le premier? Demande-t-il. C'est ce que tentera de faire Hyde Park Entertainment en annonçant que Andrzej Bartkowak va réaliser le film. Donc, cet homme a réalisé de nombreux films par le passé, dont Romeo Must Die, Exit Wounds et Cradle to the Grave. Il a également participé à la production de films tels que Lethal Weapon 4, US Marshals, Falling Down et Speed. Il s'agira du second film basé sur un jeu vidéo que Bartkowak réalisera, ayant déjà produit le long-métrage adapté de Doom. Le nouveau film Street Fighter, qui se centrera sur le personnage de Chun-Li dans sa quête pour la justice, sera distribuée par Fox et sa production débutera au début de l'an prochain. Impossible encore de dire qui va incarner Chun-Li, bien que des rumeurs à l'effet que Jessica Biel a été approchée pour ce rôle et fait surface dans les médias récemment. L'article date du 6 septembre. Voilà qui fait le tour pour le fil jeux vidéo pour l'instant. Plus tard, on parlera d'informatique, mais avant, regardons un petit peu les jeux les plus loués cette semaine du côté du Superclub Vidéotron. En 5e, c'est Stuntman Ignition sur la PS2. En 4e, c'est Two Worlds sur la 360. En 3e, Stuntman Frontman Ignition sur la 360. En deuxième, c'est Metroid Prime 3 Corruption sur la Wii. Et en première, c'est BioShock sur la Xbox 360. Côté des jeux les plus populaires en ce moment, toutes consoles confondues et en général, qu'ils soient sortis ou pas. En cinquième position, on retrouve Race 07 de WTCC Games sur PC, qui est avec une date inconnue pour l'instant. En quatrième, c'est Conan de THQ sur la PlayStation 3, ça sort en octobre. En troisième, c'est Halo 3 de Microsoft sur la 360, ça sort le 25 septembre. En deuxième, c'est Metroid Prime 3 Corruption qui sort le 25 septembre sur la 360, sur la Wii, pardon, là, il est déjà sorti, c'est ça. J'ai réalisé la mauvaise rangée. Donc, sur la Wii, avec un score de 8.5, et finalement, en première position, c'est BioShock. Sur la console qui est le PC. C'est une belle console, ça. Je l'aime bien. Pull off the top and blow off the jet. Unscrew the filter, make sure it's wet. Pull off the cables and check for corrosion. Put out that smoke, don't need no explosion. Fire an order, start steering some foam. Let's breathe some life in this pile of dope. She's a long walk home and the air is heavy. Wanna see my arm hanging out of that Chevy. Got dust clouds off the back of my brain. Necks and backs all racked with pain. Small town banks and the wrong man blamed. I can't remember last time it rained. Dipstick fall and a freeze. Climb underneath, she's a bit of a squeeze. It ain't the bells, well, they scream louder. Back in the block, check the wire to starter. Jackals in a notch by the blade. Kicking that block, don't seal my fate. Take a long pull off a bottle of Bud. Down alone, these knuckles covered in blood. I got dust clouds off the back of my brain. Necks and backs all wrapped with pain. Small town banks and the wrong man blamed. I can't remember last time it rained. One, two, three, four. Firm to the arm on the manifold. Duct tape, scissors, and a brand new fold. A five grip, same metal wire. Always make it home on a rim and a tire. She fires life falls. Rent strap, thank God for that rusty old kitchen knife. Slap me on the wheel, call me son of a bitch. I got dust clouds on the back of my brain. Necks and backs all racked with pain. Slow down banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. Names come out in the press. Who's in the wiser in the wrong guess? I'm a first-hand gone man. What a story told by a friend of Ted Helps and Jim Lovey. Small Town Banks, the United Steelworkers of Montreal à la Connexion. La Connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Maintenant, c'est l'heure de la chronique cybercrime. Quelques petites nouvelles qui ont marqué le monde de la cybercriminalité cette semaine. Ce qui débuta sous forme de coups pendables à l'école secondaire, une façon rusée mais inoffensive de déjouer la méfiance de camarades déjà alertés par ses coups précédents, a mérité à Rick Skrenta la notoriété réservée à la première personne responsable de la propagation d'un virus informatique qui s'attaque aux ordinateurs personnels. Et ça fait 25 ans. Donc, au cours des 25 années suivantes, M. Skrenta a tour à tour démarré le service commercial de nouvelles en ligne Topics, a collaboré au lancement d'un bottin web coopératif devenu propriété de Netscape et a écrit de nombreux autres programmes informatiques, mais on se souvient toujours de lui comme la personne qui a lancé le virus Elk Cloner dans le monde informatique. L'article vient de Kenway.com. Ce n'était qu'une petite farce légère, dit M. Skrenta, maintenant âgé de 40 ans, lors d'une entrevue, et je cite, « J'imagine que si j'avais à choisir entre être connu pour ça et être connu pour quoi que ce soit, je préfère être connu pour ça. C'est tout de même étrange qu'on se rappellera de moi ainsi, malgré ce que j'ai accompli. Elk Cloner, capable d'auto-reproduction comme tous les autres virus, n'a que peu de ressemblance au programme malicieux actuel. En rétrospective, toutefois, il augurait de nombreux maux de tête de sécurité qui n'allaient qu'augmenter à mesure que croissait le nombre de personnes se procurant un ordinateur personnel et le connectant aux autres sur Internet. » La liste des principaux virus informatiques des 25 dernières années est publiée dans l'article. Je vais vous laisser aller lire ça, c'est sur lunechance.com. L'article s'appelle « Les virus informatiques ont 25 ans ». On parle entre autres de Sassler, de Blaster, de Code Red, de Lovebug, Morris Brain et Elk Cloner, donc en 1982. Des représentants du gouvernement des États-Unis ont reconnu officiellement que le réseau informatique du Pentagone a fait l'objet d'une attaque de l'armée chinoise, dit l'article de Branchez-vous.com. L'attaque a eu lieu en juin dernier. Il s'agit de la cyberattaque la plus réussie contre le département de la défense des États-Unis jusqu'à présent. Le Pentagone a même dû fermer une partie du réseau interne desservant le bureau du secrétaire à la défense, Robert Gates. Bien que les représentants du Pentagone ont refusé de nommer leur attaquant, des sources non officielles ont révélé que l'attaque provient de l'Armée populaire de libération. Bien entendu, le gouvernement chinois s'est bien défendu d'avoir commis de tels gestes. Selon un représentant du gouvernement, la Chine a mis en place des lois et des règlements très stricts à ce sujet. Ces lois rendent illégal tout geste visant à compromettre un système informatique, y compris le piratage. Selon des sources qui suivent cet événement de près, des pirates chinois provenant de plusieurs régions de la Chine ont sondé le réseau du Pentagone pendant plusieurs mois avant de lancer leur attaque. Les informaticiens du Pentagone ont mis le réseau hors service pendant plus d'une semaine afin d'évaluer le plus précisément possible la nature de l'attaque et de l'information qui aurait pu être téléchargée. Selon eux, l'information n'était probablement pas secrète. Évidemment, les militaires savent pertinemment que l'APL balaye régulièrement ses réseaux de la même façon que l'armée des États-Unis balaye les réseaux chinois. Cette attaque est cependant plus inquiétante car elle souligne la possibilité que l'armée chinoise puisse perturber les réseaux des États-Unis durant une crise. Retour sur une nouvelle dont on a parlé il y a quelques semaines. Le gouvernement autrichien a annoncé qu'il avait ouvert une enquête sur la diffusion d'une vidéo néo-nazie impliquant 4 de ses soldats sur le populaire site YouTube. Avant qu'elle ne soit retirée, la vidéo en question montrait 2 soldats en uniforme en train de faire le salut hitlérien devant 2 autres militaires. Le ministre autrichien de la Défense, Norbert Darabos, a déclaré dans un communiqué de presse que les 4 hommes avaient été identifiés et qu'ils devront s'expliquer à leurs supérieurs dans les prochains jours. En Autriche, le salut hitlérien est un geste illégal qui peut entraîner une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. La présence de vidéos néo-nazis sur YouTube est de plus en plus contestée. Récemment, des membres du Parlement allemand ont sommé les dirigeants du site de partage vidéo de retirer plusieurs documents montrant notamment des extraits du film de propagande Jude Sous de 1940 et des vidéoclips du groupe rock d'extrême droite Lanzer. En Russie, un étudiant de 24 ans s'est également rendu aux autorités policières il y a 3 semaines après avoir mis en ligne une vidéo montrant l'exécution de 2 personnes devant le drapeau de la Croix gammée. L'article, lui aussi, vient de Branchez-vous.com. Même chose pour le prochain. Un Américain de 35 ans vient d'être arrêté pour avoir volé les renseignements personnels de plusieurs internautes grâce au logiciel peer-to-peer LimeWire. Gregory Kopilov se servait du logiciel pour accéder aux documents financiers d'internautes imprudents. Avec ses renseignements confidentiels en poche, le résident de Seattle aurait acheté pour 70 000 $US de biens de consommation qu'il a ensuite revendu à d'autres personnes. Selon les informations de la police, il semble que les victimes de Kopilov aient involontairement configuré LimeWire pour que tous leurs fichiers soient accessibles aux autres utilisateurs du logiciel P2P. En fouillant un peu, Kopilov a ainsi pu dénicher les relevés de cartes de crédit, leurs relevés bancaires et même les déclarations d'impôts de ses victimes et les télécharger. Si Kopilov est reconnu coupable de fraude et d'avoir accédé à un ordinateur sans l'autorisation de son propriétaire, il pourrait être passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans, en plus de devoir payer une amende de 250 000 $US. S'il est reconnu coupable de vol d'identité grave, une peine d'emprisonnement de 2 ans pourrait être ajoutée à l'autre peine. Et je cite, « Les autorités policières ont remarqué récemment que les criminels utilisent de plus en plus les logiciels P2P pour voler des renseignements personnels à leurs victimes. » C'est ce qu'a déclaré le procureur général de l'État de Washington, Jeffrey Sullivan, dans un communiqué de presse. Un logiciel de P2P, c'est un logiciel de partage de fichiers, comme les vieux vont se rappeler de Napster, hein, alors que les plus jeunes vont se rappeler de LimeWire et de SoulSeek et de BitTorrent et des choses comme ça. Voilà. Dernière petite nouvelle, en bref, je vais vous laisser aller lire ça. C'est sur le site de homicidalinsomniac.blogspot.com. C'est un gars qui a joué à Halo 3 avec un jeu piraté ou une console piratée. Il s'est fait bannir à vie parce qu'il a affiché son gamer tag comme ça au monde entier. Donc, si vous voulez aller voir les photos de quoi ça a l'air quand un gars est banni jusqu'en décembre, jusqu'au 31 décembre 9999, allez voir le site homicidalinsomniac.blogspot.com. C'est sur le unechance.com. Le lien est directement là-dessus. Et l'histoire est très intéressante. Voilà qui fait le tour pour le bloc cybercrime. Regardons un petit peu, parlant de choses qui sont pas particulièrement correctes, les jeux avec lesquels les gens trichent le plus sur Internet. Selon GameFAQs.com, c'est les pages les plus recherchées pour des walkthroughs, c'est-à-dire des explications de jeux. En 5e position, on retrouve Monster Hunter Freedom 2 sur la PSP. En 4e, c'est Final Fantasy 12 sur la PlayStation 2. En 3e, c'est Pokémon Diamond sur la DS. En 2e, Bioshock sur la 360. Et le jeu le plus triché en ce moment, c'est Metroid Prime Corruption. Vous écoutez La Connexion à CFOU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Au retour, on parle de la nouvelle gamme de iPod de Apple à la connexion à C'est fou 89.fm. La connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bonjour, c'est la deuxième demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Jusqu'à 13h, comme ça, c'est l'émission qui vous divertit en parlant des choses qui vous importent et qui vous intéressent le plus. Dans quelques minutes, ce sera le bloc sur Apple, parce qu'Apple a dévoilé un paquet de nouveaux appareils. On en parle tantôt, mais avant, on écoute un petit peu de la Rock Machine à la connexion à C'est fou 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Baroque Machine avec Pod des Affaires sur le palmarès francophone de C'est fou et vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est fou 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure du bloc à thème. Cette semaine, notre thème, comme ce l'est souvent parce qu'ils font souvent des trucs nouveaux, c'est le thème Apple cette semaine. Parce que dans le cadre de sa nouvelle présentation automnale, Steve Jobs a présenté quelques nouveautés d'Apple. L'article vient de branchezvous.com. La première nouveauté qui avait déjà été annoncée, c'est les sonneries. Le iTunes Music Store va offrir dorénavant des sonneries pour le iPhone. Elles vont être vendues au prix de 99 cents chacune. Le prix n'inclut pas la chanson originale. Donc, lorsque l'utilisateur va raccorder son iPhone à son ordinateur, une nouvelle colonne va apparaître dans iTunes. Cette colonne va afficher les chansons qu'il est possible d'utiliser pour faire des sonneries. L'utilisateur va choisir l'extrait de 30 secondes qu'il désire utiliser. Le logiciel va créer la sonnerie en ajoutant une augmentation progressive du volume au début et une réduction progressive à la fin. Toutes les chansons du catalogue de l'iTunes Music Store vont pouvoir servir à créer des sonneries. Il est possible d'attribuer une sonnerie différente à chaque personne qui figure dans la liste de contacts. La nouvelle version de iTunes est en ligne en fait depuis cette semaine et les sonneries sont en vente depuis. Je crois que c'est déjà fait même. Oui, c'est ça. À partir de la semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine, c'est l'article date du 5 septembre. Donc, grosse nouvelle de ce côté-là. Pour ce qui est des iPods, le iPod Shuffle va être offert en plusieurs couleurs. Le iPod Nano, lui, est entièrement transformé. Il comporte maintenant un boîtier beaucoup plus carré et entièrement métallique. Son écran est plus gros, 2 pouces, et plus clair. Il intègre le même logiciel d'affichage des pochettes que le iPhone, ainsi que 3 jeux. D'autres jeux vont être offerts dans le iTunes Music Store. Et il offre une plus grande autonomie. Sa pile permet d'écouter de la musique pendant 24 heures ou de regarder de la vidéo pendant 5 heures. En ce qui a trait à la capacité, Apple présente un modèle de 4 gigs et un autre de 8 gigs. Le modèle de 4 gigs est de couleur argent et le modèle de 8 gigs se décline en plusieurs couleurs. Il va être en vente dès la fin de la... Ben, en fait, c'est déjà disponible dès la fin de la semaine. L'article, encore une fois, 5 septembre. Ensuite, prochain sujet, c'est toujours du côté de Apple, évidemment. Les propriétaires de l'iPhone n'ont pas tardé à faire connaître leur mécontentement à propos de la baisse de prix du 200$, de l'iPhone qui a été annoncée cette semaine. Les utilisateurs précoces de nouvelles technologies savent qu'il y a toujours certains risques associés à l'adoption d'une technologie pas encore mature, dit branchez-vous.com. Il s'agit habituellement de bugs, de fonctions manquantes ou encore mal utilisées. Dans le cas d'un ordinateur, il peut également s'agir du manque de logiciels ou de périphériques compatibles. Et bien, dans presque tous les cas, on remarque également une baisse de prix après environ 6 mois. Cependant, pour beaucoup de propriétaires de l'iPhone, dans le cas présent, le plaisir de pouvoir épater la galerie, de pouvoir brandir le iPhone en public devant les yeux ébahis des passants, en valait la chandelle, disent-ils. Cependant, après l'annonce de la baisse de prix de cette semaine, beaucoup de propriétaires de l'iPhone trouvaient leur appareil soudainement beaucoup moins attrayant. Cette baisse de prix, qui constitue une diminution d'environ 30% du prix initial, était annoncée à peine 60 jours après la mise en vente du téléphone cellulaire tant attendu de Apple. Les mécontentements ont commencé à fuser de toutes parts dès l'annonce de cette baisse par Steve Jobs. Les courriels de consommateurs en colère ont été tellement nombreux depuis que c'est arrivé que M. Apple, Steve Jobs lui-même, a publié un message sur le site de Apple et il justifie sa décision et offre aux détenteurs de l'iPhone actuel un crédit de 100$ soit chez AT&T, soit chez Apple, selon l'endroit où ils se sont procurés leur téléphone. L'article dit « On espère que cette mesure saura calmer les esprits échauffés. » Je suis pas certain, mais quand même. J'ai posté un autre article d'ailleurs qui détaille un petit peu plus le crédit de 100$ en magasin. La décision, le téléphone qui est auparavant proposé à 599$ est descendu à 399$. Voilà. En réaction à Apple, d'ailleurs, je vois qu'il me manque un article. Où ai-je mis cet article qui parlait des autres nouveaux produits d'Apple? Ah oui, le voilà, remaniement de la gamme des iPods chez Apple. On reviendra à Microsoft tantôt parce qu'il y a une nouvelle qui a rapport avec la réaction que Microsoft a eue. Donc, Apple va offrir un iPod à la sauce iPhone dès le 28 septembre prochain. Après l'annonce du nouveau iPod Nano, Steve Jobs a annoncé que dorénavant, le iPod ordinaire portera le nom de iPod classique. Outre un nouveau disque dur de 80 Go ou de 160 Go, il a remarqué la différence entre 4 et 8 Go et 80 et 160 Go pour l'iPod classique. Il offre la nouvelle interface améliorée, un boîtier plus mince et une plus grande autonomie de 40 heures pour l'audio et 7 heures pour le vidéo. Ensuite, Apple a lancé le iPod... Ensuite, Apple lance le iPod Touch. Voilà, le iPod Touch, qui est une nouvelle branche de la gamme de iPod qui est séparée du iPod classique. Donc, le iPod Touch, c'est le mariage entre le iPod et le iPhone. Il comporte un écran de la même taille que celui du iPhone, mais est plus mince à 8 mm d'épaisseur, parce qu'évidemment, il enlève la fonctionnalité du téléphone. Il comporte la même interface tactile multipoint que le iPhone. Il offre des fonctions vidéo et photo. Même s'il n'a aucune fonction cellulaire, il permettra d'accéder à Internet par le Wi-Fi. Il intègre Safari, le furteur de Apple, et donne ainsi accès à YouTube et à Facebook. Évidemment, qui dit Internet et Apple dit iTunes Music Store, rappelle l'article de branchez-vous.com. Le iPod Touch est donc équipé d'une version spéciale de iTunes permettant de se procurer des chansons directement dans l'appareil sans passer par son ordinateur de bureau. Le iPod Touch va être offert avec une capacité de 8 Go ou de 16 Go et aura une autonomie de 24 heures d'écoute de musique et de 5 heures de visionnement de vidéo. Donc, ça veut dire que Apple a décidé que le iPod Touch aurait un disque dur flash avec une petite capacité et que l'iPod classique serait celui avec un disque dur avec 160 gigs de place. C'est un petit peu spécial, mais bon, quand même. Il y a des gens qui chialent là-dessus. Steve Jobs a également profité de l'occasion pour annoncer un partenariat avec Starbucks. Le détenteur de iPod Touch aura un accès illimité au iTunes Music Store lorsqu'il se trouvera dans un café Starbucks. Une fonction spéciale va lui permettre même de se procurer les chansons qu'il va entendre à l'intérieur du Starbucks dans la musique qu'il va jouer en fond. Disons qu'une chanson de Green Day, par exemple, joue dans le système audio du Starbucks, dit l'article. La personne peut appuyer sur un bouton de son iPod Touch pour accéder au iTunes Music Store et se procurer la chanson. Pour terminer, Steve Jobs a annoncé une baisse de prix de l'iPhone, on en parlait, le modèle à 8 Go qui était vendu à 600$ connaît une baisse de $200 pourrait être vendu à $400. Apple veut donc vendre encore plus d'iPhone. Oui, c'est ça, c'est bien. 600 et 400, les vrais prix. J'avais dit les mauvais prix tantôt. Donc, ils veulent vendre plus d'iPhone. Ça ne veut sans doute pas, nuire aux ventes du nouveau iPod Touch. Voilà ce que dit l'article. Sérieusement, les gens vont les acheter de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, pas trop de stress là-dessus du côté de Apple, je crois. Tiens, réponse de Microsoft par rapport à Apple. Microsoft a annoncé que le prix de son lecteur Zoom sera réduit. Le prix du baladeur audio numérique de 30 gigs va passer de $249 à $199 américains, selon le site internet Zoom Insider. Selon Microsoft, la décision de diminuer le prix de son baladeur n'a rien à voir avec l'arrivée des nouveaux iPods, mais non, mais fait plutôt partie du cycle normal de vie d'un produit. Évidemment, ça arrive dans le même coin, mais c'est une grosse coïncidence. Enfin, Microsoft précise par ailleurs que 94% des propriétaires de Zoom se disent entièrement satisfaits de leur baladeur et qu'une diminution de son prix va attirer de nouveaux clients. Évidemment, 94% de pas grand-chose, c'est pas grand-chose, mais bon. Selon la firme de recherche NPD, le Zoom détiendrait environ un dixième du marché américain des baladeurs audio numérique, loin derrière l'iPod qui dépasse les 70%. Bien que la concurrence soit féroce, les ventes du Zoom, comme vous le voulez, dépassent tout de même les objectifs de Microsoft. Au moins, ils mettaient pas la barre trop haute. La compagnie a livré 1,2 million d'exemplaires de son baladeur aux détaillants américains entre novembre 2006 et juin 2007, alors qu'elle prévoyait à l'origine n'en livrer qu'un seul et unique tout petit million. Donc voilà pour les nouveaux produits de Apple. J'espère que ça fait le tour. Je crois que je n'ai rien oublié. J'ai posté quand même un article sur lunechance.com qui s'appelle iPod Touch Classic et Nano 3G. Premier contact. C'est sur comic.com. Il vous montre des photos de chacun de ces iPods-là. Vous pouvez cliquer dessus et les voir en plus grand format. Très, très belles photos qui, en tout cas, moi, me donne une envie soudain d'avoir 3 ou 4 iPods. Hein? J'ai aussi posté un autre article sur iTunes et tous les nouveaux iPods qui vous montrent non seulement des nouvelles photos, mais des renseignements techniques sur chacun des appareils. Ensuite, si on ressorte dans le vif du sujet, vous vous souvenez de la chicane entre Apple et Cisco un peu avant le lancement du iPhone, c'était il y a quelques mois, et bien Apple recommence. Donc, bref résumé dit branchez-vous.com, lorsque Apple a annoncé le lancement du iPhone, la société Cisco a aussitôt porté plainte contre elle pour violation de marque déposée. Cisco détenait le droit d'utiliser la marque iPhone depuis l'an 2000, lorsqu'elle avait racheté l'entreprise Infogear, qui a vendu des produits sous cette marque pendant plusieurs années. Bien, depuis ce temps-là, Cisco a lancé de nombreux appareils au nom de la marque iPhone. Finalement, Cisco, faute d'avoir renouvelé à temps la marque enregistrée, a perdu l'exclusivité de la marque et Apple a donc pu vendre son iPhone en toute quiétude. Qui dit nouveau produit dit nouvelle marque, continue l'article. Apple a lancé de nouveaux produits cette semaine, dont le fameux iPod Touch. Ce que relativement peu de gens savent, c'est que la société HTC, fabricant de nombreux modèles de téléphones intelligents et d'assistants numériques personnels, a lancé le HTC Touch il y a quelques semaines. Il s'agit d'un téléphone intelligent conçu avec l'évidente intention de concurrencer le iPhone. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont un petit peu copié l'iPhone en l'appelant le HTC Touch et maintenant Apple sort un dérivé du iPhone et l'appelle le iPod Touch ou le iTouch comme certains l'appellent. Enfin bon. Bon diplomate, il a affirmé être heureux de savoir que son entreprise et Apple partagent la même vision en ce qui a trait aux appareils à écran tactile. Il n'a cependant pas indiqué si HTC entreprendrait des poursuites contre Apple pour violation de marque de commerce. La question à se poser, selon l'article, est donc très simple. Apple est-elle assez arrogante pour décider de faire fi des marques de commerce établies, pariant que ses produits sont assez populaires pour faire pencher en sa faveur toute décision du tribunal, ou bien est-elle conseillée par des avocats totalement incompétents? Wow! Avant de déposer une marque de commerce, il est essentiel d'effectuer des recherches pour s'assurer qu'elle n'est pas déjà enregistrée dans le marché visé. Il est pratiquement impossible que les avocats chargés du dépôt des marques ne savaient pas que le iPhone et Touch étaient des marques déjà enregistrées, dit l'article. Donc, s'il y a des découlés de ça, on suivra les changements que ce dossier apporte pendant les prochaines semaines, comme toujours, parce que c'est un dossier assez intéressant. Et dernière petite nouvelle dans notre bloc à thème sur Apple. Apple aurait tenté de faire enlever, là c'est vraiment intéressant, Apple aurait tenté de faire enlever les 3 parcomètres qui se trouvent devant sa future boutique Apple Store du centre-ville de Montréal. C'est ce qu'a révélé vendredi dernier le quotidien La Presse. La demande d'Apple faite en mars serait de nature esthétique. La compagnie trouve que la présence de parcomètres devant sa future boutique nuira à son image branchée. En échange, Apple aurait proposé à la ville de lui verser un montant qui équivaut aux recettes générées par ces parcomètres-là sur 5 ans, c'est-à-dire $35 000. Imaginez 3 parcomètres, ça vaut $35 000. L'arrondissement de Ville-Marie a refusé l'offre d'Apple, la qualifiant d'inacceptable. Un porte-parole de la Société Stationnement de Montréal, Michel Philibert, a indiqué au quotidien montréalais que les parcomètres permettent une rotation des véhicules et ainsi un roulement de la clientèle qui visite les commerces avoisinants. Donc, on rappelle, dit l'article de Branchez-vous encore une fois, que la boutique Apple Store sera située au 1321 Sainte-Catherine-Ouest entre les rues Crescent et de la Montagne. Le local, présentement occupé par la boutique Men's, a une superficie d'environ 9300 pieds carrés et dispose d'une mezzanine. Selon des informations obtenues par les magazines Mac Québec et Apple Insider, la boutique devrait ouvrir ses portes l'été prochain au plus tard à l'automne 2008. Apple ferait de son magasin la boutique phare des produits Apple au Canada, à l'instar du Apple Store de Manhattan à New York. Voilà. Si vous voulez voir plus de nouvelles, passez par l'article qui s'appelle « Montréal, Apple contre les parcomètres ». C'est sur le site de l'émission, dans la section « Le fil informatique ». Pardon, je me trompe. C'est le blog à thème. Sur lunechance.com, www.unechance.com. Il nous reste encore quelques petits trucs pour cette première heure. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides et de nouvelles insolites dans quelques secondes et peut-être regarder quelques vidéos. Mais avant, en musique, allons nous amuser un petit peu avec... OK Kerrville River. Leur album, c'est The Stage Names. Voici Our Life Is Not a Movie, or Maybe, à la collection. It's a bad movie where there's no crying. And in the keys to me, in this red line, where the lock that you locked in the sweet says there's no prying. When the breath that you breathe in the street screams there's no science. When you look how you looked then to me, then I cease lying and fall into silence. This is a life story, so there's no climax, no more new territory. So pull away your max. In the slot that you sliced through the scene, there was no shyness. In the plot that you passed through your teeth, there was no pity, no fate. It still begins on a kid in the big city. And no cut to a costly parade that's for him. Socket you spin from with ease, there is no sticking. From the speakers your fake masterpiece comes serenely dribbling. And when the air around your chair fills with heat, that's the flames licking beneath the clock on the clean mantelpiece. It's got a cold clicking like a crow, and his editing suite takes 2 weeks. We'll be right back. OK Kerrville River avec Our Life Is Not a Movie or Maybe de leur album The Stage Names. C'est sur les palmarès anglophones de C'est Fou cette semaine. Et vous, écoutez La Connexion. La Connexion est présentée par Nico Vidéo, 4845 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique Le Plancher. Notre tour du monde des choses stupides qui se sont passées en technologie cette semaine, un nouveau-né mexicain a été baptisé Yahoo, comme le célèbre portail Internet, car ses parents se sont connus grâce à un site de rencontre. C'est ce qu'a indiqué samedi l'Agence France-Presse. À l'Agence France-Presse, un fonctionnaire de l'État civil de la ville de Mexicali, dans le nord-ouest du Mexique. L'officier de l'État civil a ajouté que des militants écologistes avaient récemment appelé leur enfant Arbol, ce qui veut dire arbre en espagnol. C'est tellement joli, on est vraiment rendu en 2007, hein, si je regarde bien ma montre. À Tokyo maintenant, le serveur du site Internet du ministère de l'Environnement japonais a explosé mercredi à la suite d'un excès de fréquentation provoqué par une offre de hamburger à moitié prix afin de sauver la planète. La filiale japonaise de McDonald's profitait des Big Mac à 150 yens ou 80 environ, soit à moitié prix, en échange d'une preuve d'engagement de lutte contre le réchauffement climatique. Pour obtenir ce document électronique probant sur ordinateur ou téléphone portable, les clients devaient remplir un formulaire disponible sur le site du ministère de l'Environnement. Mais ce dernier ne s'attendait pas à voir débouler autant d'amateurs. Et je cite, « Nous avons constaté un bond des accès hier. Et le phénomène s'est amplifié ce matin. Nous nous efforçons de remettre le système en route. » C'est ce qu'a expliqué un des fonctionnaires du ministère. Plus de 80 firmes japonaises ont déjà participé à ce programme promotionnel pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Japon s'est engagé à réduire de 6 % ses émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 90 dans le cadre du protocole de Kyoto. Si vous me rappelez, c'est pas... Rappelez-moi parce que je connais pas ça du tout, mais c'est pas les vaches qui causent... Il me semble les vaches, viande, vaches, c'est eux qui causent... En tout cas, il me semble que j'avais entendu ça en quelqu'un. Croyez-le ou non, un policier de Chicago, Thaddeus Martica, n'est pas le premier policier à avoir chassé un criminel avec un Segway, mais quand même, la merveille à deux roues est encore une fois à remercier pour une autre arrestation. Pendant qu'il patrouillait les rues et qu'il savourait le petit vent d'été, l'officier a entendu quelques coups tirés et a décidé d'y aller un petit peu avec son Segway. Vous savez, le Segway, c'est l'affaire qui fait, c'est comme un genre d'appareil sur lequel tu es debout et tu dois te pencher par en avant pour avancer et tourner par à droite, tu fais tourner ton corps, etc. Donc, pour aller voir ce qui se passait, c'est ce qu'il a fait. Il a avancé avec son Segway. Donc, les criminels étaient en train de s'enfuir d'une scène de crime. Et même si un des suspects a réussi à s'échapper, l'autre n'a pas eu autant de chance. Supposément, le Segway est allé jusqu'à sa vitesse maximale de 12,5 000 à l'heure, ce qui était assez rapide pour capturer et certainement humilier au moins un de ces criminels. On a fait le tour pour notre plancher, une nouvelle insolite du monde des technologies. Regardons, avant de terminer cette première heure de la connexion, les jeux et les consoles qui ont été les plus vendus au Japon, selon la société Media Create. Les consoles, pour commencer, en cinquième position, on retrouve la PlayStation 2. En quatrième, c'est la PlayStation 3. En troisième, la PSP. En deuxième, la Wii. Et en première, avec presque 95 000 ventes, la Nintendo DS Lite. Alors que du côté des jeux, pour la semaine du 27 août au 2 septembre, en cinquième, c'est One Piece Gear Spirit sur la DS. En quatrième, c'est sur la PlayStation 2 Dynasty Warriors 5 Extreme Legends. En troisième, c'est Gintama sur la PlayStation 2. En deuxième, c'est Blade Storm, la guerre de 100 ans sur la PlayStation 3. Et en première, c'est Final Fantasy Crystal Chronicles Ring of Fates sur la DS. Voilà qui fait le tour pour les jeux les plus vendus et les consoles les plus vendues au Japon cette semaine. Maintenant, pour terminer cette première heure de l'émission, eh bien, c'est l'heure de continuer avec notre série Relics of the Chozo, a Super Metroid Musical Collaboration. On est rendu à la partie numéro 3, c'est-à-dire Suzu, Mebachi and Protricity, avec une pièce qui se nomme Hostile Abduction First Battle Theme. En gros, la série en concert, pour les gens qui sont pas au courant, on fait ça depuis plusieurs années, je pense qu'on est rendu. Pendant plusieurs semaines, on prend une seule collection et puis on passe les pièces au fur et à la mesure jusqu'à temps que ce soit terminé. Et on est en plein dans Relics of the Chozo. C'est une collection basée sur Super Metroid. C'est des gens comme vous et moi qui ont composé les pièces et qui ont fait cette collection qui essaie de créer une ambiance. On écoute la pièce et on écoutera une deuxième pièce au début de la deuxième heure et je vous en parlerai rendu là. Les auditeurs du lundi et du jeudi, donc les auditeurs de partout s'en vont entendre les nouvelles de Radio-Canada dans quelques minutes. Restez avec nous. Dans la deuxième heure, on va parler, entre autres, de nouvelles informatiques et quelques petites affaires que j'ai trouvées autour du net. C'est La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À C'est Fou 89.1. connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bon retour sur la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle Caroline Cloutier, slash Peach, slash Daisy, slash tout ce que vous voudrez. Tout ensemble. Effectivement. Ben oui, c'est ce qu'on tout ce dit. Qui touche aux personnages féminins de jeux vidéo. Je pourrais aussi être Cortana si vous trippez sur Halo. Halo, ok, je suis pas sûr. Moi, j'allais te le demander. Je suis pas un fan d'Halo du tout. Bonjour Caroline, qui va être avec nous jusqu'à la fin de l'émission aujourd'hui, j'espère. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. On va parler d'informatique tantôt. On a quelques nouvelles qui sont passées. Mais avant, on continue notre série en concert. Qu'on a, entre autres, recontinué tantôt. Disons qu'elle n'a pas de fin, cette série-là. Elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin. On est rendu à la quatrième pièce de cette série qui s'appelle Relics of the Chozo, a Super Metroid Musical Collaboration. On fera un petit, bio, si bio, on veut. Parfait. Comment tu pourrais dire un petit résumé? Ouais. Une description. Ben, t'as pas mal fait le tour. Je trouve pas d'autres mots meilleurs. On fera ça après la pièce de Protricity, voici Putting Down on Zebes à la connexion à CFU 89.1 FM. Quatrième partie de la série en concert, Relics of the Chozo, Super Metroid Musical Collaboration. Une collaboration, comme vous pouvez le comprendre, qui veut produire un collectif, une interprétation collaborative de la trame sonore de Super Metroid, mais chaque pièce est faite par quelqu'un de différent et est une œuvre en tant que telle, mais arrangée ensemble pour faire une ambiance, comme vous l'avez entendu, très sombre. Est-ce que ça se dit sombre? Je pense que ouais, c'est ça. Oui, oui. Une ambiance sombre, oui, je suis d'accord. Une ambiance dark, si on veut, quelque chose du genre. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur le projet, téléchargez les MP3, téléchargez la couverture, faire votre propre CD, c'est le smproject.ocremix.org. Le smproject.ocremix.org. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. D'accord, super. Maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Regardons quelques nouvelles qui ont marqué le monde de l'informatique cette semaine parce que vous savez, les ordinateurs, ça avance vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi donc ça. Très bonne question. Plus d'un milliard d'internautes maintenant, c'est confirmé. Le monde compterait désormais plus d'un milliard d'internautes. C'est selon l'Union internationale des télécommunications, une organisation internationale rattachée aux Nations unies. Selon les données colligées par l'UIT, le nombre d'usagers d'Internet est passé de 700 millions à la fin de 2004 à 1,13 milliard en 2006, ce qui représente une augmentation de plus de 400 millions en 2 ans. Cette augmentation est en bonne partie attribuable à la croissance très rapide du nombre d'internautes chinois. Selon le Centre d'information sur le réseau Internet de Chine, le pays asiatique compterait maintenant environ 162 millions d'internautes, alors qu'ils étaient 111 millions à la fin de 2005. Il fait quand même plus qu'un dixième à lui-même. Ça fait beaucoup de gens à rencontrer sur Internet. Oui, c'est certain. Si tu fais un chat parlant à tout le monde, à 1 million de personnes, on n'en finira plus. Votre bassin vient de s'élargir. C'est le fun. Tout plein d'amis. Sony a décidé de réagir suite à la découverte d'un probable rootkit dans ses clés USB. Visiblement encore bien échaudé par l'affaire du rootkit sur ses CD audio il y a quelques mois. Ça lui avait coûté plusieurs millions de dollars. La firme Nippon a ainsi choisi de retirer purement et simplement de la vente les clés suspectées et d'ouvrir une enquête. 3 clés USB MicroVault ont ainsi été retirées de la vente. Les ventes auraient été stoppées depuis le début du mois d'août. La raison invoquée à cet arrêt n'est toutefois pas liée à des problèmes de sécurité, mais à des ventes qui n'étaient pas suffisamment élevées. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Parallèlement à ça, Sony affirme avoir lancé une enquête sur le problème de rootkit découvert par F-Secure et également constaté chez le spécialiste McAfee. Je vais expliquer un petit peu. Le logiciel qualifié de rootkit a été développé par un sous-traitant nommé Fine Art Technology. Il est pointé du doigt parce qu'il serait utilisé pour dissimuler le logiciel de gestion d'empreintes digitales dans le système d'exploitation Windows en créant un répertoire caché auquel les antivirus ne peuvent pas accéder. Les modèles concernés sont les USM 128C, USM 256F et USM 512FL et présentent un lecteur d'empreintes digitales. Donc, si vous voulez aller voir la photo et l'article Sony, la vente des clés USB avec rootkit stoppée, l'article a eu un suivi plus tard. On parlait de l'hypothèse du retour des clés incriminées. Eh bien, Sony a toutefois confirmé que rien de tel n'était prévu. Au lieu de tout ça, le fabricant travaille sur une solution logicielle. Sony aurait effectivement pour projet de proposer un patch téléchargeable sur son site qui va rendre visible dans l'API de Windows le dossier caché et les fichiers qu'il contient afin que les logiciels de sécurité comme les antivirus puissent les consulter. Cette solution devrait conserver toutefois la confidentialité des données protégées. La firme prévoit également de publier la marche à suivre précise sur comment supprimer les dossiers et fichiers cachés sur le consommateur. Si le consommateur le souhaite, à ce sujet, un numéro de téléphone de support va aussi être disponible. Sony, apparemment, là, dans ce cas-ci, c'est pas sa faute, c'est la faute d'une compagnie qui engage des gens de sous-traitants. Mais ça reste quand même que ça leur tombe sur le dos. Et voilà, parce que c'est eux qui les ont engagés. Mm-hmm. C'est la faute va toujours à la personne qui engage la personne, il me semble. La faute va à la personne qui engage la personne? La personne, c'était clair, hein? Oui. Parlant de choses claires, hein? On connaît Netscape depuis très très longtemps. Et bien, Netscape a décidé d'abandonner son site qui permettait aux internautes de voter pour les meilleures nouvelles. Donc, le site a été lancé en juillet 2006. Le portail collaboratif de Netscape s'inspirait du très populaire site internet dig.com. Dans son blog, le directeur de Netscape, Tom Drapeau, a expliqué que la plupart des visiteurs du portail préfèrent que les nouvelles soient choisies par une équipe éditoriale plutôt que de voter pour déterminer eux-mêmes celles qui feraient les manchettes. Selon lui, l'intérêt pour un site où les nouvelles sont choisies par les internautes reste bien réel. C'est pour cette raison qu'un autre service va être lancé prochainement par Netscape, mais dans une autre section du portail. La décision n'est pas surprenante, dit l'article de Branchive.com, puisque le nombre de visiteurs américains de Netscape a diminué de moitié en un an pour s'établir en juillet dernier à 2,4 millions selon les données de Comscore Media Metrics. À titre comparatif, le nombre de visiteurs de Dig.com a quadruplé pendant la même période, atteignant 4,6 millions. Précisons que Netscape a été acheté en 1998 par AOL America Online pour une valeur d'échange sans taxe de 4,2 milliards de dollars. L'entreprise a été dissoute en 2003. Netscape est alors devenue une simple marque de commerce appartenant à AOL. Pauvre petit Netscape. Pauvre. Ça marche juste pas, leur affaire. Non, ouais. Même leur furteur marche pas. Il y a rien, qui marche chez Netscape. Ben, ils ont essayé, mais... Ils réessayent souvent, c'est ça. Ils se réinventent tellement tout le temps. On est-tu un porteur? On est-tu un site de nouvelles que les gens cherchent? On est-tu un furteur? On est quoi? On est-tu un service de fournisseur d'accès Internet? On sait pas ce que c'est. Enfin, oui. Et finalement, rien de tout ça fonctionne. Et voilà. Peut-être un jour. Peut-être. On espère pour eux. Selon Santé Canada, ils ont lancé jeudi dernier une mise en garde à l'intention des parents de jeunes enfants contre les breloques de téléphones cellulaires et les tirettes de fermeture éclair importées de Chine, considérées dangereuses à cause de leur forte concentration en plomb. Et la raison que ça nous intéresse par rapport à la technologie, c'est que selon le ministère, les enfants qui mâchouilleraient ou suceraient les breloques ou les tirettes pourraient être exposés à une forte concentration de plomb, un métal lourd toxique qui peut avoir des effets néfastes sur le comportement et le développement des enfants, même à de très faibles niveaux d'exposition. Les quelques Et 83 000 tirettes de fermeture éclair et 54 000 breloques de téléphones cellulaires ont été vendus dans les magasins Dollarama canadiens entre juillet 2006 et août 2007. Aucun cas d'empoisonnement au plomb n'a été signalé au Canada relativement à l'utilisation de ces produits qui font l'objet d'un rappel volontaire par Dollarama. Des photographies des tirettes et des breloques sont affichées sur le site Internet de Santé Canada si ça vous intéresse de passer par lunechance.com pour aller les voir. Selon Santé Canada, il n'y a pas de risque d'exposition au plomb associé à l'utilisation prescrite de ces produits, mais ils ne devraient pas être entre les mains de jeunes enfants. Les tirettes de fermeture éclair sont longues. Bon, OK, ça, c'est vraiment une description des tirettes de fermeture éclair, ça paraît pas. Les tests effectués par Santé Canada ont montré que ces articles contenaient un total de plus de 90% de plomb. Le reste, c'est des descriptifs. Si vous voulez aller lire sur l'article, de ne pas acheter de breloques. Des tirettes de fermeture éclair. Pour vos téléphones cellulaires. Parlant de breloques, tu parlais de photos, j'ai comme pas idée de quoi ça peut avoir l'air une breloque de téléphone cellulaire. Tu peux aller voir sur le site internet de Santé Canada. Ouais, mais on pourrait essayer de les décrire aussi. Si tu veux, je les décrive. La description était dans l'article. Même si les breloques ont un diamètre d'environ 15 mm, sont aussi de couleur argentée, en forme de bourse avec une poignée, donc c'est vraiment une chose pour traîner votre cellulaire. Il y a une fleur jaune au centre de la bourse. C'est comme un genre de porte-clés? C'est comme un genre de d'étui. Ah, OK. Ah, oui. Si je comprends bien. En tout cas, en le voyant ici, c'est à peu près ce que je vois. Ça, c'est les tirettes. Non, c'est ça, les breloques. Tiens, c'est ce qu'on appelle un cell phone charm. C'est juste un petit genre de bijou qui va après la petite fente. Là. Ouais. Tu peux faire un nœud dedans. C'est comme un genre de petit pendant. Ça ne sert pas à grand-chose, bref. Non, c'est une breloque qu'on appelle. D'accord. Nous voilà tous renseignés parce que je ne savais pas moi non plus. Je pense que tu me l'as demandé. Quelle curieuse je suis. Oui, c'est vrai ça. L'Université Laval a maintenant son propre campus virtuel dans le jeu Second Life. Le campus virtuel est la création de deux étudiants du département d'information et de communication, Boris Hong et Éric Laflamme. Le projet est supervisé par le professeur en publicité Claude Cossette. Le campus virtuel permet entre autres aux personnages de Second Life d'écouter les émissions de la radio étudiante Shiz. Shiz, nos amis de chez Shiz. Shiz. Notre radio étudiante. Oui. Et d'obtenir plus d'informations sur les divers projets et associations étudiantes du département d'information et de communication. Est-ce que quelqu'un en com social va faire un site, va faire un campus pour l'Université de Trois-Rivières et mettre ses fous dedans? Ben, sais-tu, j'aurais pas pensé à l'idée, mais je suis prêt à parler à quelques-uns de mes compagnons d'études. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Pour qu'on ait nous aussi notre campus sur Second Life. Que ses fous soient écoutés sur Second Life. Oui, on préfère une compétition virtuelle entre Shiz et ses fous également. C'est ça, comme dans la vie. Non, c'est pas vrai, c'est nos amis. Selon les deux étudiants, l'Université Laval serait la première institution scolaire québécoise à être représentée dans Second Life. Leur projet vise avant tout à voir le potentiel des milieux virtuels comme lieu de création et de publication. À noter qu'une visite guidée du campus virtuel est disponible sur YouTube, si vous voulez aller voir la vidéo. Rappelons que Second Life est un monde virtuel créé en 2003 par la compagnie américaine Linden Lab. Plus de 9 millions de personnages virtuels ou avatars ont été créés depuis son lancement. De nombreuses entreprises et organisations gouvernementales sont représentées dans le jeu, dont l'Estonie et la Suède, qui ont ouvert récemment des ambassades virtuelles. Voilà qui fait le tour pour la première partie du fil informatique. Est-ce que tu veux savoir les mots les plus recherchés sur la toile du Québec? Ben, écoute, je vais encore faire un guess. OK, devine. Tu me diras si j'ai raison. Ouais. Je vais essayer même de trouver les positions. J'aimerais ça. Donc, je te dirais, en position numéro 5, je vais y aller avec l'EPAC. Non, c'est Accès D. Ah, Accès D. OK. 4, je dirais l'Auto-Québec. Oui, c'est stable, l'Auto-Québec. 3, alors là, 3, l'EPAC. Non, 3, c'est Hotmail en remontée. Ah bon, donc 2, l'EPAC. Oui, 2, l'EPAC, remontée. Et 1, Horoscope. Et oui, et ça, c'est stable. Bravo, t'es tellement bon. Wow! Rejecting you. chante, Caroline, chante. Non, je vais laisser faire. Je vais vous épargner vos oreilles. Au retour, on parle encore d'informatique, mais avant, voici votre quiz musical de la semaine, nommé le jeu suivant. C'est un petit peu plus difficile qu'à l'habitude. Plus difficile pour les passionnés du sourire de mon âme. Cherchez-le, la réponse après la pause. Comment? La réponse au retour, ça va pas. Avant la pause, on vous a demandé de nommer le jeu suivant. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je me le demande bien. Pensez-y encore un peu. Les gens ont eu assez de temps pour y penser. Ouais, c'est assez répétitif comme thème. Et c'est très difficile. C'est le menu de sélection du jeu, mais c'est Super Monkey Ball sur la GameCube. Bravo à ceux qui l'ont eu, parce que sincèrement, c'était pas facile. On vous donne un morceau de gâteau. Ouais, un morceau de robot. Un morceau de robot et un morceau de gâteau en même temps. Ah! Connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Tout est une question de timing, Camille. Question de timing, question de feeling, oh! Comme chanterait une chanteuse populaire québécoise des années 80, je sais pas qui. Qui ne jouera jamais assez fou de toute façon. Non, ben c'est ça. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle Peach Daisy Caroline Cloutier, la fameuse co-animatrice gentille et souriante de Mathieu. Elle se complimente tellement. Ben là, ben tu le fais pas. Ben je m'excuse, je le fais tellement souvent. Des blagues. De tous les noms positifs du monde. Des blagues. Caroline Cloutier, Mathieu Plante, avec vous pour encore un petit 25 minutes de nouvelles et de choses intéressantes qui sont passées sur Internet. Mais avant, question de passer à autre chose et d'écouter un petit peu de musique qui n'est pas répétitive. Passons à autre chose. C'est pas Super Monkey Ball qu'on va entendre. Non, effectivement. Assez de ça. Ce sera, est-ce que je peux dire? Oui, vas-y. Ce sera Alexandre Champigny. Ah, il est bon, lui. Très bon. Reste à l'envers, le nom de la pièce. À la collection, c'est plus 89 ans. FM. Un autre soleil passe devant tes lourdes brumes. Derrière la fenêtre, je m'évade. Je pense à un rêve où nous allions chercher le bord du monde, le dernier rivage. L'aurore se lève, nous partons sans attendre. Alexandre Champigny avec Reste à l'envers de l'album Bouddha Cinérôle. Bouddha Cinérôle, c'est quand même drôle comme nom d'album. Ouais, j'aime ça, c'est bizarre. C'est le nom d'une pièce aussi, c'est très très bon ça. Alexandre Champigny, donc à la connexion, l'émission qui parle de technologie, de l'informatique et du jeu vidéo sur Cifou 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Que dire de plus? Oui, que dire de plus? Bonne question. Ah, mais je saurais que dire de plus, Mathieu. Vas-y. Si vous voulez nous rejoindre en studio, les lundis en direct de 11h à 13h, c'est le 819-376-5183. C'est vrai, ça. Que pourrait-on dire de plus encore? On pourrait dire. Vas-y. Allez sur le site officiel de la connexion, qui est aussi le site de la chance au coureur et des palmarès. Ça, c'est le unechance.com. Unechance.com. Une chance qu'on a, unechance.com. Ben oui. Et pour les auditeurs en direct du lundi, demain. Demain, entre midi et 18h. Oui, tu vois, c'est encore une chose à dire de plus. C'est très important, ça. Oui. Entre midi et 18h, le mardi 11 septembre, il faut être à l'écoute de C'est fou 89 FM parce que c'est après la pause 2007, l'émission qui vous accueille. Oui, c'est la grande émission de la rentrée. La grosse émission de la rentrée, comme ça, on vous accueille, on vous aime, on vous passe de la bonne musique, on vous divertit de midi à 18h, c'est le 11 septembre. Voilà. Le 11 septembre, c'est un peu macabre comme date, par exemple. Un petit peu, mais tout se passe sur le campus le 11 septembre, c'est la date qui a été choisie. Je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre, mais que voulez-vous? On va justement se changer les idées, faire de cette date un événement plus joyeux. Non. Vraiment pas. Je regarde la prochaine nouvelle et c'est pas vraiment plus joyeux. Ah bon? C'est même pas mal triste aussi. On parle de Google dans notre blog Google Watch parce que cette semaine, Google participe à la recherche du richissime aventurier américain Steve Fawcett, disparu depuis lundi dernier. La nouvelle date de vendredi le 7 septembre, donc évidemment les suivis n'ont pas été faits depuis ce temps-là, mais bon. Donc c'était selon le Associated Press, la compagnie californienne a mis en contact les secouristes avec ses fournisseurs d'images satellitaires pour son logiciel Google Earth. Donc Google a participé à la recherche, bien que les images satellites de Google Earth datent parfois de plusieurs mois. La compagnie a demandé à ses fournisseurs de donner aux secouristes les images les plus récentes du territoire où Fawcett serait probablement disparu. Le pilote a décollé lundi matin d'une piste dans l'ouest du Nevada. Il voulait effectuer un repérage au-dessus des lacs asséchés de cet état afin de se préparer à battre le record mondial de vitesse au sol qui est de 1234 km/h. Steve Fawcett est principalement connu comme étant la première personne à avoir fait le tour du monde seul en montgolfière dans un périple sans escale de 14 jours. L'aide de Google aurait été demandée par le président de Virgin, Richard Branson, le milliardaire britannique réputé pour avoir été la première personne à traverser l'Atlantique en montgolfière. C'est un ami de longue date de Fawcett. C'est pas la première personne disparue à qui Google prête main forte. La compagnie californienne a également fourni en janvier dernier des images satellitaires aux secouristes afin de les aider à retrouver l'expert informatique Jim Gray, un mentor de Sergey Brin, le cofondateur de Google. Voilà. Triste nouvelle en effet. Triste. La nouvelle version 4.2 du logiciel Google Earth propose une fonctionnalité cachée pour les adeptes de la simulation aérienne. C'est un internaute sud-africain qui a découvert le simulateur caché. C'est un simulateur de vol dans Google Earth. On peut activer cet œuf de Pâques, comme on l'appelle en français, avec les commandes CTRL-ALT-A dans l'environnement Windows et POM option A dans OS X. Une fois en mode avion, Google Earth propose deux appareils, soit un F-16 ou un Cirrus SR-22. Si vous êtes curieux de découvrir la chose, regardez le vidéo enregistré par un internaute américain qui présente des images d'une session de vol. C'est sur l'article Google Earth propose son simulateur de vol. C'est sur lunechance.com. Oh, la vidéo. Regardons un petit peu. Truc de vol. Il y a même une feuille pour ceux qui veulent suivre, qui veulent avoir des petits trucs. Vous pouvez faire page up pour ajouter du throttle. Du throttle. N'est-ce pas merveilleux? Alors, dans Google Earth. On le voit qu'il s'apprête à décoller? Oui, il s'apprête à décoller, en effet. Est-ce qu'il... Oui, oh, il réussit. Oh, c'est beau! Vous pouvez reculer un petit peu la souris lentement. C'est ce que ça dit en bas de l'écran. Il donne des instructions de comment faire un vol parfait. Si et voulez. Voilà, il est parti. Ouh. Il s'envole au-dessus de la piste. Il tourne un peu vers la gauche. C'est beau, les vidéos sur Internet. Oui, c'est oui, saccadé. C'est hein. Enfin, bon, allez voir les vidéos, c'est ça va faire. C'est quand même intéressant. Oui, je trouve ça vraiment cool. Très, très bonne petite innovation de la part de Google sur Google Earth. Voilà. Depuis quelques jours, la section nouvelles de Google propose aux internautes de lire directement les textes des agences de presse plutôt que de les rediriger vers des sites web de médias qui offrent ces textes. Une bonne chose pour Google, une bonne chose pour les agences qui reçoivent des revenus directement de Google, mais au moins une moins bonne nouvelle pour les sites de médias qui verront le nombre de visiteurs diminuer. Dit le carnet techno de Radio-Canada. Google présente depuis vendredi les textes et les photos des agences Associated Press, l'agence France Presse, la Press Association en Angleterre et la presse canadienne. Le marchand Amazon et le moteur Google seraient prêts à lancer cet automne de nouvelles offres dans le domaine du livre électronique, selon le New York Times. Amazon s'apprêterait à commercialiser un lecteur portable de livres et de journaux numérisés avec écran et clavier, le Kindle, ça s'appelle, sujet à des spéculations depuis un an. Contrairement à d'autres terminaux proposés par le passé, le Kindle pourrait se connecter directement et sans fil à Internet. Facturé entre 400 et 500 $, ce dispositif permettrait d'accéder et de télécharger contre paiement des ouvrages depuis un e-book store, ainsi que des contenus émanant de quotidiens tels que le New York Times, le Wall Street Journal et le Monde. Le format utilisé serait propriétaire, à savoir celui de Moby Pocket, une société française, une filiale d'Amazon depuis 2005. Google, de son côté, serait prêt à facturer l'accès à l'intégralité d'ouvrages numérisés, alors que jusqu'ici, le spécialiste américain des technologies de recherche proposait uniquement des extraits d'ouvrages numérisés protégés par copyright. Voilà. Les deux sociétés américaines n'ont pas commenté l'article du New York Times en date du 6 septembre 2007. Si ces offres sont effectivement commercialisées, il est peu probable qu'elles bousculent le marché du livre, un marché mondial estimé à 35 milliards de dollars par année. Les e-books, on en parle depuis des années, ça n'a jamais vraiment suscité. C'est suscité, mais à genoux. À moindre échelle. Comment? Je dis à moindre échelle. C'est ça. Pour les mains. Donc voilà les e-books, je pense pas que ça va faire encore une grande vague sur Internet. Vraiment pas. Mais bon. Non. Peut-être. En fait, moi, je vois pas l'intérêt particulier de lire un livre numérique au lieu d'un vrai livre. Ouais, ben c'est ça. Puis à ce prix-là, non. Non. Je comprends les livres audio. Ça va. Ouais. Tu sais, lire à entendre une voix à la place de lire un livre ou encore pour les aveugles. Mais pas sûr pour les e-books. Et puis en plus, je trouve que lire sur un écran, ça fait plus mal aux yeux que lire dans un livre. C'est vrai, ça. L'équipe de Yahoo Québec ont fait parvenir à Radio-Canada le palmarès des recherches pour le mois d'août dans le domaine de la technologie, des logiciels et des jeux vidéo par le biais de leur moteur de recherche. Une façon non scientifique d'évaluer l'intérêt des internautes québécois dans ces trois domaines. Donc, voici le top 5, des gadgets et technologies. On retrouve Circuit City en 5e, DVD Fab en 4e, Garmin en 3e, Nokia N95 en 2e et Magellan GPS en 1e. Top 10 des jeux vidéo et jeux en ligne. En 5e, Jig Zone, le jeu de casse-tête. En 4e, Quizzes. En 3e, Dominion. En 2e, Rune HQ. Et en première, c'est Y8. J'en connais aucun là-dedans. Ben moi non plus. En 10e, logiciel téléchargeable. En 5e, Internet Explorer. En 4e, Norton. En 3e, j'arrive pas à faire 4e deux fois. Java. Skype est en 2e et Adaware est en première place. Là, ça a plus de sens pour moi. En fait. On connaît plus ces choses-là. Et voilà. Tu connais Facebook? Je connais Facebook. T'es pas encore tu dessus. Connais Facebook. Je connais mieux ça que toi. Ouais, ouais. En fait, ben, je connais ça de nom. Je connais ça à cause de toi. Mais. Quand est-ce que tu vas t'inscrire? On se le demande tous. Encore là, je vois pas ce que je ferais là-dessus. J'y irai pas souvent. Je te dis que oui, moi. Je te dis que tu deviendrais accro assez facilement. Tu penses? Oui. Tu devrais au moins l'essayer pour voir. Ouais. Je dis ça à tout le monde pour vrai, mais faudrait. Ouais. Essaye-le. OK. Donc, Facebook, réseau social à forte croissance, propose désormais un accès libre sur sa page d'accueil. En accès libre, la fonction de recherche de ses membres par nom, par école, université ou société. Si on tape un prénom par hasard, on obtient une liste de profils avec prénom, nom et petite photo de la personne concernée. Bien entendu, pour entrer en contact, il va falloir s'inscrire sur le site. La différence, c'est qu'avant, on pouvait simplement pas chercher. Il fallait être membre pour faire tout sur Facebook. Donc, d'ici un mois, il va être aussi possible d'effectuer ce type de recherche depuis les moteurs grand public tels que Google. Il n'est pas certain que l'initiative fasse l'unanimité parmi les quelques 39 millions d'utilisateurs actifs du site, moins encore auprès des défenseurs de la confidentialité des données. Je vois vraiment pas l'intérêt de chialer contre ça alors que c'est seulement un nom, un prénom et une photo, mais bon. Et c'est du monde qui se concentre à ça puisqu'ils sont inscrits. Exactement. Surtout qu'il faut être ami avec la personne pour voir le contenu de son profil de toute façon. Donc, ça enlève les chances. La direction de Facebook entend rassurer les inquiets. Les utilisateurs de la plateforme qui souhaitent limiter l'information disponible au public ou en interdire l'accès peuvent encore modifier les paramètres de confidentialité associés à leur profil. Les fondateurs de Facebook ambitionnent de transformer la popularité du site en de juteux profits, principalement par le biais de la publicité, très bientôt. Lancé en 2004 aux États-Unis par deux ex-étudiants de Harvard, Facebook aurait enregistré 52 millions de visiteurs en juillet 2007, c'est-à-dire plus 270% comparé à l'année dernière, contre 174 millions pour MySpace, donc qui lui est seulement une augmentation de 72%. C'est le leader du marché toujours. À lui seul, Facebook représenterait désormais 1% du trafic Internet mondial. J'aurais vraiment cru plus, mais 1 million. 1% du trafic mondial. Mais 1%, c'est mieux que 0.007. C'est ça. Mais il me semble que Facebook s'est rendu tellement populaire. Ça va grimper dans les prochains mois. Parlant de grimper, oui? Firefox est rendu à 400 millions de téléchargements en moins de 300... De 3 ans? Mais qu'est-ce que je dis là? En moins de 3 ans. Donc, le changement des furteurs web par la communauté sur Internet, ça a commencé en 2004 par le projet, la campagne Spread Firefox, où des dizaines de milliers d'utilisateurs ont téléchargé plus de 25 millions de fois le logiciel, si je comprends bien l'article. Voilà. Si vous voulez aller vous renseigner et peut-être même afficher une bannière sur Firefox sur votre site web, c'est l'article sur unechance.com. Moi, je dis que Firefox est aussi populaire à cause du charme du petit renard. C'est vrai, hein? Oui. Il est fin. Oui, tout mignon. Je l'aime bien, moi aussi. Tiens, sorti en magasin cette semaine parce que vous le savez, comme à chaque semaine, vous avez de l'argent à dépenser. Hein? Oui, vous êtes étudiant, toujours, pas du tout pauvre. Non. Non, vous n'êtes pas envie à atteindre. Non, et puis vous ne dépensez pas du tout vos prêts et bourses non plus. Du tout. Tiens, façon de dépenser vos prêts et bourses, voici quelques nouveautés en magasin cette semaine. Pour les multiplateformes, pour commencer, sur PC et Xbox 360, on retrouve The Elder Scrolls 4 Oblivion Game of the Year Edition. Hein? Pourquoi pas? Un nom plus long que ça, ça existe pas, je crois. Sur PC, PS2, PS3 et 360, NHL 08. Sur PlayStation 2, PS3 et Xbox 360, on retrouve NHL 2K8. Et finalement, sur PlayStation 2, et oui, on retrouve Guilty Gear XX Accent Core. C'est assez long, ça aussi. D'accord. Sur DS... D'accord. Oui, c'est ça. Hein? C'était pas si pire. Ouais, c'était moyen. Moyen. Sur DS, Spelling Challenges and More. Oh, un jeu d'épellation, c'est fort. Jam Sessions, Math Play, un jeu de maths, wow. Drawn to Life, Professor Brainium's Games et Zoe 101 Field Trip Fiasco, basé sur l'émission de télé Zoe. Sur PC, I Love Kittens et I Love Puppies. Ah, oh, tu vas aller t'acheter ça, hein, Mathieu? Ben oui, j'attendais que ça. Aircraft Power Pack 2, Seven Kingdoms Conquest, Anna Capri The Dream, Blackbeard's Revenge, Galactic Assault Prisoner of Power et Ship Simulator 2008. Sur PlayStation 2, il reste juste 3 consoles. Il y en a beaucoup cette semaine quand même. Sur PlayStation 2, Konami Kids Playground, Frogger, Hop, Skip and Jumpin' Fun. Il y a aussi Konami Kids Playground Toy Pals Fun with Numbers. Le même jeu, mais avec Dinosaur Shapes and Colors. Et le même jeu encore avec Alphabet Circus, des jeux pour enfants. Et finalement, sur PlayStation 2, .HackGU Volume 3 Redemption. Sur PlayStation 3, Heavenly Sword et Dirt. Et sur Xbox 360, finalement, Skate, Fatal Inertia et Kengo Legend of the Nine. As-tu vu, Mathieu, des images de Skate? Non, j'essaie de reprendre mon souffle. Non, j'ai pas vu l'image de Skate, quoi. Oui, j'ai vu le démo, en fait. Uh-huh. J'ai regardé jouer le démo, parce que je ne suis pas une joueuse, moi, je suis une regardeuse de joueurs. Regardeuse de joueurs? Oui. Joueuse. Pour parler un peu mieux, comme j'ai aucun talent, aucune coordination, j'aime mieux regarder les gens jouer à des jeux que jouer moi-même. Donc, j'ai vu le démo de Skate. Je trouve que ça sort très, très bien. Apparemment que c'est difficile un peu à contrôler au début, mais que ça vaut la peine quand on est rendu très bon parce qu'on peut faire plein de trucs super extravagants, super impressionnants. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec Tony Hawk, mettons? Ben justement, avec Tony Hawk, tu peux être bon en commençant. Tu peux faire plein de passes toi-même puis devenir excellent tout de suite. Mais c'est moins impressionnant que ce qu'on peut faire avec Skate quand on est vraiment bon après quelques heures de jeu. OK. Et c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre que toi. Ouais, en fait, je vais regarder la personne qui va devenir bon. Je pense que je vais pas devenir bon, moi non plus, parce que je jouerai sûrement jamais. Non! assez de trêve de discussion quelconque, hein? Pourquoi pas? Regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine autour du net. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que tu sais, il s'en passe des choses. Pas mal. Sur Internet. Pas mal, trop même, des fois. Trop? Pourquoi? Non, parce que, ben, je sais pas, je sais ça comme ça. Trop, parce que c'est difficile de gérer tout ce qui se passe sur Internet. Ouh! Hey, parlant d'Internet, tu te rappelles, t'allais sur Internet en 97, hein? Genre, à peu près. À peu près, bon. Tu te rappelles de quoi le net avait l'air? Ben, je me rappelle que c'était laid. Ben c'est ça. Ben justement, si tu veux que le net redevienne laid, va télécharger le Time Machine Firefox Add-on. C'est un plugin pour Firefox, le furteur alternatif qui refait les sites web en fonction de quoi ça avait l'air en 97 dans ces coins-là, genre. Et pourquoi il y a un petit Yoshi qui se promène dans le bas de l'écran? Parce que ça avait l'air de ça dans le temps. J'avais des gifs animés qui se promenaient sur ton écran, je pense. Mais c'était plus bas que ça. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment au-dessus de la barre grise là, du menu démarrer. Oh, regarde, une petite étoile qui avance comme ça. Vous pouvez transformer YouTube, MSN.com, tous les sites que vous voulez. ou sinon, vous pouvez aussi aller sur MySpace. Ça ressemble pas mal à comment c'était en 97. comme c'est déjà présentement MySpace. Tiens, ce qui est en train de jouer ici, là, c'est une vidéo de Onion News Network. C'est un site de parodie de nouvelles vidéo. un peu comme CNN. Je vais vous laisser aller le regarder parce que si j'en parle, vous allez me dire oh, pourquoi tu parles de ça à la radio, tu devrais pas. C'est une vidéo sur les jeunes filles enlevées dans des villes locales. Ils en font une parodie. C'est un peu triste comme parodie. Exactement, hein? C'est pour ça que j'en parlerai pas trop, mais allez voir, moi j'ai trouvé ça quand même très bien fait. Missing Girl Probably Raped. C'est la propagande. Non. Je sais, c'est de la propagande vraiment, mais c'est drôle. Très, très drôle. Mais non, c'est pas drôle. Non, je sais qu'on peut pas rire de ça parce que c'est politiquement pas correct, mais le vidéo en fait. Je viens de choquer mes petites oreilles, là. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'hésitais à en parler. Parlant de hésiter à en parler, mais dans ce cas-ci, c'est une bonne chose, c'est le site Zero Punctuation de The Escapist Magazine qui critique le jeu BioShock en vidéo. En fait, c'est vraiment très, très drôle, ça aussi. C'est un gars qui, avec des dessins, qui fait une critique de BioShock négative. Tous les points négatifs du jeu, en parlant super, super, super vite. C'est vraiment très drôle. Il y a aussi, bon, le prochain, il nous reste à peine 2 minutes pour en parler. Comment apprendre des choses visuellement? Parce que tu sais, apprendre des choses, c'est bien d'avoir une vidéo pour te le montrer. Oui. Et en dedans de 5 minutes, c'est encore mieux. Quand, effectivement. Tu sais, quand t'as pas beaucoup de temps, en pause. Ouais. Pour les gens pressés. Comme toi. Comme moi. Non, mais ben, dépendamment du temps. Avant d'aller au gym. Avant d'aller au gym, avant de venir ici à la connexion, entre un cours et la connexion. Donc, tu peux apprendre, entre autres, comment danser le salsa, la salsa. Oh. Ou encore comment faire de la lutte. De la boxe, même. Ben écoute, je pense que j'irais plus apprendre la salsa que faire de la lutte. Mm-hmm. Comment relaxer, comment allaiter. Tout des trucs très intéressants. Un autre article que j'ai posté sur Design Vitality, c'est 51 effets de texte à faire dans Photoshop. Ça vous intéresse? Comment recréer la police de Mac OS X? Comment faire des lettres comme dans The Matrix? Des affaires comme ça. Un petit dessin, un JPEG. En fait, c'est un SVG, mais quand même. Des différents furteurs sur Internet qui ont existé à travers le temps. Vraiment, ceux qui ont décalé des autres avec les années en haut et tout ça qui mène vers les plus récents. C'est vraiment très, très intéressant à voir. Ensuite, ça c'est vraiment plus drôle. Je vais vous laisser aller voir le reste parce que c'est des choses qui sont difficiles à décrire à la radio. Mais comment, en tarte, tu sais, des tartes en maths? Oui, oui. Comment est divisé le temps des gens qui font du design web? D'accord. Par exemple, une grande partie du temps va être passée en train d'essayer de faire fonctionner ton site web dans Internet Explorer parce que c'est super difficile, c'est super pas standard. Et mettons, une grosse partie, le vert ici, c'est en train de sacrer. Ah, oh, c'est super intéressant. Et le temps passé en train de vraiment dessiner quelque chose, de faire du vrai design web. En tout cas, c'est vraiment très, très drôle. Et puis, le top 25 des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Tiens, je vois ça en 4e Nintendogs, 3e The Sims, 2e Super Mario 3 et en 1ère Pokémon Red, Blue and Green avec au-dessus de 20,08 millions de copies vendues sur Game Boy. Jeu très, très populaire. Go, Pokémon, go! Oh, t'aimes ça, toi, c'est vrai. Oui, j'aime ça. Go, go, Pokémon! Dans les gadgets, j'ai posté un ventilateur en forme d'avion USB. Une caméra qui vous permet de faire des effets de green screen, tu sais, des écrans verts pour mettre un fond quelconque. Un jouet, c'est pour les enfants, qui va sortir bientôt, je crois. Aussi, les petits cochons, là. C'est plus à la mode, les petits cochons pour votre banque, OK? Maintenant, c'est un vrai guichet automatique électronique avec une vraie carte que vous pouvez utiliser. Ouais. À la maison. À la maison, c'est vrai. C'est tout petit, c'est pour les enfants. Et puis, voilà, ça fait à peu près le tour. Je sais pas si c'est quelques jeux pour le bureau et quelques logiciels intéressants, dont une alternative à votre clavier pour votre palm, par exemple, une nouvelle façon d'écrire, et puis comment enlever les voix des MP3 avec Audacity. Il y a quelqu'un qui a posté une vidéo, une question que j'entends souvent, est-ce qu'on peut enlever les voix de MP3 pour faire des karaokés, par exemple? La réponse courte, ça peut se faire avec certaines pièces, mais toujours c'est pas rester. Évident, ouais. Il va toujours avoir un petit peu de voix à l'arrière, donc c'est... Enfin bon. Mais le gars vous montre comment le faire étape par étape, donc si ça vous intéresse, c'est sur lunechance.com. Tout est sur lunechance.com. Absolument tout, l'univers au complet est sur lunechance.com. La définition de ce qu'est la vie, c'est sur lunechance.com aussi. Tout est là. Ça, il y a des photos de nous. Pas encore. Non, ça s'en vient. Un jour, dans quelques années. C'est tout pour la collection cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là à la maison. Merci à Caroline, comme toujours, d'avoir été présente. Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine. Oui. Moi, je vous retrouve à La Chance au Pouvoir, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Ça, c'est le vendredi matin à 10h. Dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h. La collection est en direct le lundi de 11h à 13h et en rediffusion le jeudi à la même heure. Cette semaine, je vous retrouve aussi à l'émission de la rentrée après la pause 2007. C'est le mardi 11 septembre de midi à 18h. Je serai là avec Caroline. Je crois qu'il va passer aussi un petit peu. J'ai vu sûrement passer, effectivement. Il y a un paquet de nos amis ici assez fous. De la part de Caroline Cloutier et de moi-même, faites attention à vous. Bonne chance, bonne semaine et tout. Et attention puis, à vos genoux. Attention à vos genoux, on dit jamais assez. Ben non. Je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Dash.com.